Comment savoir à quel faisceau on appartient? Bon. Je crois que je répète un peu une partie de la première partie. Comment savoir à quel on appartient? Il y en a un qui a observé sa vie depuis le début des temps. Ceux qui ne se rappellent pas jusque-là. Vous avez juste à observer de quelle façon les lignées familiales qui vous ont précédé ont eu des tendances à vivre. Alors, tout à l'heure, on a justement expliqué les différentes formes de faisceaux, les différentes expressions à travers le corps physique de l'humain, à travers celui qui vivait les trois phénomènes de guerre, à travers la richesse, la souffrance, la maladie. Il y a d'autres faisceaux qui sont typiquement spirituels, c'est-à-dire qui obligent l'humain à se révéler à son Dieu, qui l'oblige à l'époque où ils ont rentré dans des couvents. Aujourd'hui, on devient facteur, c'est-à-dire qu'on passe de porte à porte pour passer la bonne nouvelle. Dépendant des individus, il y a des êtres humains qui sont totalement attachés, sinon carrément enterrés par ce genre de faisceau. Alors, on a juste à observer, suite à ce que j'ai dit dans la première partie, c'est enregistré de toute façon, et on a qu'à observer de quelle façon notre vie semble être conduite et de quelle façon nos lignées familiales ont toujours été conduites. Maintenant, une personne peut être riche, être liée à un faisceau de richesse, et elle peut, pendant un laps de temps, devenir pauvre, c'est-à-dire qu'elle a trop d'ego. Son corps neuronique, son ajusteur de pensée commence à être opérationnel. Et parce que l'individu a trop d'ego, il devra vivre une phase d'anégoïsation où on ira briser. Parce que l'ego croit être celui qui est responsable de la richesse. Alors, à un moment donné, on va lui montrer que ce n'est pas lui qui dirige. On va lui prouver que l'être humain est totalement manipulé et qu'il ne peut prendre aucune décision. Celui qui souffre tout le temps, à un moment donné, il va penser qu'il est né pour un petit pain, qu'il y aura la même chose. Il peut y avoir des transformations au niveau de sa vie, mais dans la globalité des choses, s'il n'a pas une conscience supramentale, donc une conscience d'être-té, une conscience individuelle, une conscience intelligente, et non pas seulement une conscience intellectuante, il ne changera rien au niveau de sa vie. Il est né pour un petit pain, il mourra dans un petit cercueil. Quelle est la couleur énergétique rattachée et comment savoir quel faisceau? Bon, comment savoir quel faisceau, je viens de dire comment. Quelle est la couleur énergétique? J'ai déjà aussi expliqué que la couleur énergétique ne servait à rien. L'être humain perçoit toutes les choses en fonction de son corps physique, en fonction de son corps vital et en fonction de la coloration qu'il va juxtaposer sa perception à partir de ses mémoires. Donc, la couleur des faisceaux, il y a 12 couleurs de faisceaux différentes. Dans certaines couleurs, on a différents orangés, on a différents jaunes, on a différents rouges, et il y a 12 faisceaux majeurs avec 12 couleurs majeures, et les couleurs ne sont pas tous des couleurs que l'on retrouve dans l'arc-en-ciel. Maintenant, l'être humain qui observe un faisceau, c'est exactement comme si on vous demandait, ou on demandait à un cuisinier de nous parler des 12 saveurs différentes que l'on peut retrouver dans le poisson. Et ça dépend bien gros de la bouche qui goûte. Alors, c'est pourquoi c'est une perte de temps de chercher à savoir si on est relié au faisceau rouge. Il y a des livres qui existent où on parle de rayons, donc de faisceaux, et on parle de la couleur. Et là, on va attribuer une expérience conditionnelle à la couleur d'un rayon ou d'un faisceau. Et l'individu qui va lire ce livre-là va tenter égoïquement de choisir le faisceau auquel il aimerait être relié, rattaché. Et là, évidemment, on peut parler de couleur de faisceau, mais c'est extrêmement onéreux énergétiquement, astralement, de donner ce genre d'informations parce que ça fait partie du mensonge cosmique, ça fait partie de l'illusion de perception de l'être humain. Et l'être humain qui a accès à ce genre d'informations-là a juste accès à des pièges. C'est exactement comme lorsque l'on demande de suivre des cours pour voir l'aura. Eh bien, on voit l'aura des autres, on voit la couleur des autres, on voit si, selon la couleur de son aura, c'est en colère, s'il compte des menteries, etc. La seule chose qu'on oublie toujours, c'est que nous aussi, on a une aura et qu'on voit l'aura des autres au travers de la nôtre. Donc, si la mienne est bleue et la sienne est jaune, je verrai une aura verte et je pourrais prétendre que ce personnage-là, il est ceci, il est cela, alors j'aurais totalement passé à côté de la traque. On doit savoir à quel esprit on est relié en fonction de l'expérience de vie que nous vivons. Si nous avons une tendance trop tendancieuse à être linéaire dans l'explosion de notre vie, c'est le faisceau espritique qui nous manipule et toute notre évolution sera encastrée dans ce cercueil manipulé. Et on ne pourra pas s'en échapper, sauf si on applique ce que j'ai expliqué dans la première partie, sauf si on a la faculté de laisser tomber tous les symptômes très secondaires et tertiaires de l'évolution pour ne développer que notre vision consciente ou extralucide de la réalité. Il n'y a pas de beau, il n'y a pas de laid, il y a les choses telles qu'elles sont. Ben, c'est une vision extralucide de la réalité. Si j'ai à mourir, je mourrai. Ça ne vaut même pas la peine d'avoir peur. On peut en parler pour s'instruire, pour s'énergiser, pas pour avoir peur. La peur rend prudent l'animal, oui. Mais l'être humain intelligent n'a pas besoin de peur pour être prudent, c'est évident. Alors là, lorsque l'être humain laisse tomber les symptômes secondaires qui sont l'apanage de toutes les religions, de toutes les écoles traditionnelles, de tous les phénomènes spirituels, il n'y a aucun problème. Mais comment savoir à quelle façon on est relié? Simplement en observant ce qu'on vit, ce qu'on a vécu, ce que les familles ont vécu. On saura. Maintenant, on peut paramétrer pour s'en sortir. Même la richesse devient un problème. La mécanique de la résorption d'un faisceau est-elle prévisible mathématiquement? Et l'homme peut-il paramétrer cette mécanique d'une autre façon, au niveau bouddhique ou atmique? Suzanne. Bon, la mécanique de résorption des faisceaux est effectivement prévisible mathématiquement. La seule chose qu'il y a, c'est que ceux qui savent de quelle façon ça va se passer ne perdront pas trop de temps à mathématiser leur perception de façon à expliquer par cette mathématique au cerveau cartésien qui ne peuvent pas percevoir intuitivement la mécanicité réelle du cosmos. Autrement dit, lorsqu'Albert Einstein avait perçu la courbure spatio-temporelle, lorsqu'il avait fusionné l'espace et le temps en une forme de dimension, lorsqu'il avait prévu plusieurs autres choses, la courbure de la lumière, par exemple, au voisinage des masses, et etc., etc. Il a mathématisé, pas pour se prouver, pour prouver à ceux qui ne comprenaient rien que ça se pouvait. On peut mathématiser. Possiblement qu'un jour, il y aura des êtres humains qui auront suffisamment de perception intuitive, mais qui refuseront totalement cette perception au nom du cartésianisme et de la mathématique, et qui perdront une grande partie du temps de leur vie à mettre en mathématiques pour permettre aux intellectuels cartésiens d'arriver à comprendre que ça se peut sans comprendre comment. L'homme peut-il paramétrer cette mécanique d'une autre façon? Non. Pourquoi y a-t-il des peuples qui ne sont pas connectés à des faisceaux? Il n'y en a pas. Ils sont tous connectés à des faisceaux. Allez dans une tribu, vous verrez un sorcier. Vous verrez des gens qui vont l'adorer. Vous verrez peut-être des chefs. Vous verrez des gens qui vont avoir de la puissance de guerre, des guerriers, des grands chasseurs. Vous verrez des personnes qui servent les autres. Vous verrez des personnes qui n'ont rien, même qui mendient. C'est la même chose. Ils n'ont pas de Rolls-Royce. Ça roule bien mal dans le jungle. La personne qui lit l'aura, lit-elle le faisceau? Non. Elle lit simplement l'expression énergétique, l'énergie intra-atomique qui constitue le corps séraphique, le corps vital du corps physique de l'homme, c'est-à-dire qu'elle ne peut percevoir que le rayonnement qui est émis par la circulation des électrons autour des atomes, autour des noyaux, des atomes qui constituent les molécules du corps physique, et elle ne perçoit que cela. Mais évidemment, elle le perçoit à travers son aura, donc ce qu'elle voit est totalement faux. Peut-on être lié à plus d'un faisceau? Est-ce que les arriérés mentales sont reliés à quel faisceau? Les arriérés mentales sont reliés à un faisceau. Le faisceau est un faisceau familial. On ne peut pas connaître. Prenons l'exemple d'une personne qui est plus ou moins légume. Elle n'est pas reliée au faisceau des plantes. Elle est reliée au faisceau familial, sauf que sa génétique physique ne permet pas l'expression convenable du faisceau. Donc, on ne peut pas savoir à quel faisceau il est relié en observant l'individu. On peut le savoir en observant la famille. Très important, on observe la famille pour avoir une idée de son faisceau. Mais dans une famille, peut cohabiter différents faisceaux dans différents corps physiques. Et la question, peut-on être lié à plus d'un faisceau? Oui. Mais on a un faisceau majeur, et c'est finalement notre faisceau. Le corps physique peut attirer d'autres mécanicités réincarnationnelles, des mémoires, qui ont été engendrées par l'expérience d'un autre faisceau. Alors, il peut y avoir plus d'un faisceau qui cohabite avec nous, mais on est chapeauté par un faisceau majeur, et c'est ce faisceau-là qui détermine majoritairement notre vie. Lorsqu'un faisceau est résorbé, est-il digéré par un autre faisceau? Lorsqu'un faisceau est résorbé, il s'éloigne, il se fusionne à des faisceaux qui cohabitent dans d'autres systèmes super-universels. Lorsque les 12 faisceaux planétaires majeurs seront résorbés, ils ne formeront que 3 faisceaux. Et lorsque les 3 faisceaux se seront retirés du système super-universel, ils ne formeront qu'un seul faisceau. Et finalement, tout ce qui existe dans l'univers, dans la création, ne formera qu'une seule expression, un phénomène supra-énergétique, qui lui aussi s'écrasera sur lui-même, engendrera une accumulation de masse tellement terrible que tout ce qui spatio-temporellement existe, et même au-delà, dans les 13 dimensions de notre création, tout ce qui est là sera attiré, s'engouffrera là-dedans, ça s'écrasera sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même, sur lui-même, et ça sera totalement résorbé. Il n'y aura plus d'espace-temps, il n'y aura plus de dimension, il n'y aura plus de création. D'ailleurs, il n'y aura jamais eu de création. Daniel, j'aurais besoin de trucs concret pour jouer de sale tour à l'astral lors d'une colère mentale longtemps préparée, afin d'annuler pour un grand bout de temps les effets néfastes de celui-ci qui ne s'attaque qu'après un certain travail de ma part qu'aux membres de ma famille. Alors la solution la plus immédiate, c'est de s'arranger pour observer sa famille, trouver les défauts dans sa famille, pour cultiver la haine chez elle de sa famille. Puis quand elle haïra suffisamment sa famille, l'astral pourra plus aller manipuler sa famille. Quand ça va ton frère se casser la gueule, ça te fait plaisir, l'astral ne permettra pas que tu te nourrisses de ça, ton frère se cassera pas la gueule. C'est un truc très rapide, très efficace. Toutes les grandes initiées n'ont jamais eu de famille, ni d'enfants, ni rien. On ne peut pas les accrocher. Si on veut un truc rapide, la seule chose, c'est qu'on a simplement à se couper des liens de sa famille. Est-ce qu'après un certain temps, tu peux revenir quand même plus proche ou si c'est définitif? Il ne faut pas que tu reviennes plus proche. Si je dis que tu peux revenir plus proche, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'iras pas ta famille, tu vas faire semblant, ça ne marchera pas. Oui. Où disparaît l'esprit quand le corps est si malade que tu es obligé de dire « je » pour parler de ton corps? Hier, j'étais malade et j'arrivais à dire « le corps est malade ». À un certain niveau, le corps te force à dire « je suis malade » et tu n'es plus qu'un corps sans ajusteur ni esprit. Pourquoi est-ce toujours le corps le plus fort? L'astral peut donc te rendre toujours plus malade pour te faire sécréter. Premièrement, ce n'est pas le corps le plus fort, c'est le corps le plus faible. Deuxièmement, lorsque le corps absorbe suffisamment d'énergie vitale, la structure atomique du cerveau ralentit, la pensée ralentit donc. D'ailleurs, quand on est fatigué, on est plus impatient, plus colérique, plus irritable. Et nécessairement, le contact avec l'ajusteur de pensée s'atténue. Donc, l'esprit est toujours là, mais il n'y a plus de contact avec la conscience de l'homme. Donc, l'ego ne peut plus expérimenter ce contact, ce qui fait que l'individu, lorsqu'il parle du « je », il continue à prétendre que c'est le corps physique, c'est l'ego qui parle. Mais une chose extrêmement importante, c'est que cette personne a suffisamment d'énergie et de contact avec son ajusteur de pensée pour que ce qu'elle dit dans le papier ici soit faux. Parce que ce qu'elle dit ici, ou c'est une menterie, ou c'est faux. C'est totalement faux ce qu'il dit là ici. À un moment donné, j'étais malade, j'arrivais à dire « le corps est malade ». À un certain niveau, le corps te force à dire « je suis malade » et tu n'es plus qu'un corps sans ajusteur ni rien. Comment ça se fait qu'elle le sait? C'est qu'elle était là pour observer. Alors, si elle était là pour observer que ça se passait, c'est qu'elle était toujours là. Parce qu'à un moment donné, tu perds la conscience que tu es là. Tu es dans l'une. Mais quand tu perds la conscience que tu es là, tu le sais pas que tu as perdu la conscience que tu es là. Puis tu peux pas me décrire qu'est-ce qui se passe. Sinon, tu n'as pas perdu la conscience que tu étais là. Mais l'ego a perdu la conscience qu'il était observé, l'observateur continuait à noter, puis l'ego a pris des petites mémoires. La personne, elle est beaucoup plus forte qu'elle pense. Est-ce qu'il n'est pas dangereux que plus... Oui, c'est ça. Est-ce qu'il n'est pas dangereux que plus un corps physique devient fort, plus l'astral lui envoie de merde pour le faire sécréter? Ainsi, il arrive des catastrophes à tous les jours à quelqu'un que je connais, alors que moi, je ne supporterais pas un centième de ce qu'il porte. Et donc, l'astral gagne toujours. Plus tu es fort, plus l'astral est tough. C'est évident que plus l'individu est fort, plus l'astral vient frapper dur, c'est-à-dire que plus on est solide pour pouvoir résister à des agressions extérieures, plus ces agressions deviennent pénibles. Une guerre tribale, c'est intéressant. Une guerre nucléaire, c'est un peu plus sécrétant. Bon. Alors, c'est évident. Maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est plus fort parce que le corps est plus fort. L'astral gagne toujours. L'astral perd toujours. Parce que plus il nous tape dessus, plus il nous renforcit. À un moment donné, on devient suffisamment solide qu'on est capable de supporter de l'intelligence, donc de l'esprit. On devient un virus pour l'astral? Oui. On devient un tueur d'armes. Et là, l'astral vient de perdre. C'est-à-dire que ton père paye. Il te donne des coupées dans le derrière, il te fait passer le balai, il te fait peinturer sa maison, il te fait laver l'auto, il te fait serrer le plancher, il te fait travailler dans le bois, il te fait couper son bois, il te fait rentrer le bois, il te fait allumer son feu. Pendant 15 ans, ton père gagne toujours. Mais ton père s'affaiblit pendant ce temps-là parce qu'il ne fait rien. Toi, tu te renforces en maudit pendant ce temps-là parce que tu travailles. À un moment donné, tu vas te prendre conscience subitement, c'est par palier, il y aura une explosion chez toi qui va te dire « wow ». Cette explosion peut même être inconsciente. À un moment donné, la colère noire va s'emparer, comme jamais t'en as eu une, puis le bonhomme va se ramasser dans le feu avec le bois. Mais tant que tu n'es pas encore explosé, tu vas dire, oui, mais il est toujours en train de gagner. T'es musclé, t'es plus grand que le bonhomme, puis tu continues à en avoir peur. Jusqu'au jour où t'en auras plus peur. C'est lui qui va avoir peur. Vas-tu leur donner des cours ou des conférences au centre, ou si le centre ferme définitivement, pour quelle raison le centre ferme-t-il? Le centre ne ferme pas. Du moins, s'il ferme, ça ne me regarde pas, mais le centre ne ferme pas. Effectivement, le centre d'universalité va continuer à s'occuper de mes conférences à l'extérieur, et il y aura aussi le programme Être contrôleur qui va se repoursuivre et qui va même prendre de l'expansion par la suite dans les locaux du centre, et il y aura ces choses-là. Maintenant, étant donné, évidemment, que depuis 4 ans, il y a eu plusieurs conférenciers qui sont venus au centre ici. Maintenant, moi, j'étais temporairement au centre. Ça fait 5 ans de temporaire. Et puis maintenant, je vibre de commencer à faire des conférences, premièrement plus proche d'une bouche de métro. Comme ça, je pourrai parler à plus de gens. Une bouche aussi grande que la tienne, pour une fois. C'est ça, pour que les gens puissent venir. Et je vibre certaines choses. Alors, j'agis en fonction de ce que je sais. Et puis le centre, ce que je sache, ne ferme pas. Et puis en ce qui concerne les séminaires ou les cours, eh bien, ça va encore rester sous l'égide du centre. L'Allemagne, le Québec et l'Australie sont-ils reliés à un même faisceau? Si oui, que représente ce faisceau au niveau mondial et quel rôle aura-t-il à jouer? Bon, évidemment, c'est intéressant. Si l'Allemagne est reliée au faisceau du Québec, l'Allemagne ayant plus ou moins tenté de conquérir le monde à l'époque, le monde libre, comme on l'appelait, le Québec serait-il le prochain peuple à conquérir militairement la planète? L'Allemagne, le pays lui-même, égrégorement parlant, il est relié à un faisceau qui est effectivement similaire au faisceau du Québec. Bon, je ne voulais pas le dire, mais tant pis. L'Australie, telluriquement, oui, mais pas du point de vue esthétique. C'est-à-dire que l'esprit planétaire du bouclier canadien est un esprit, c'est le même phénomène esthétique qu'antérieur, qui a créé l'Australie, qui a créé d'ailleurs quelques autres régions de la planète. Mais du point de vue des esprits qui animent la collectivité, effectivement, l'Allemagne, le Québec, très, très, très, très similaire. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que ce phénomène esthétique-là a une tendance, comme d'ailleurs la majorité des phénomènes telluriques, à migrer. Alors, ce phénomène l'a déjà vécu dans d'autres territoires, c'est-à-dire que la majorité des continents, la majorité des pays, la majorité des ethnies ont déjà été chapeautées du point de vue collectif par ce même esprit, qui habite des individus, mais qui peut habiter une région particulière. Le Québec n'en est pas encore totalement imprégné. Ça migre. Ça vient d'où? Ça vient de l'Allemagne. Et là, quand il va être rendu au Québec complètement, est-ce qu'il va disparaître? Il va avoir cheminé, il va avoir traversé une partie de l'Angleterre, il va avoir descendu vers le sud, il va avoir traversé Cuba, il va être remonté lentement vers les États-Unis. Il a une tendance à arriver vers le Québec. Alors, lentement, le Québec va devenir, va avoir un phénomène énergétique qui va le rendre un peu plus belligérant. Il va devenir un peu plus colérique, un peu plus agressif. Il sera manipulé en fonction de se regrouper, d'exporter des idées, mais lentement, il voudra exporter l'intelligence, il voudra exporter aussi sa technologie, mais il aura aussi de plus en plus l'imbécile vibration d'exporter ce qu'il est. On appelle cela conquérir. Ça va venir. Cuba, quand c'est passé à Cuba, Cuba a voulu s'armer militairement contre les États-Unis. Alors, ça nous donne un peu une idée de l'année où ce phénomène est passé dans cette région-là. Ça l'a remonté par la suite. Alors, il y a eu d'autres phénomènes où on peut suivre un déplacement de ce faisceau-là. Et il est en train de lentement de s'installer au niveau du Québec. Québec, K-E-B-E-K, donc du bouclier canadien. Alors, effectivement, c'est similaire. L'Australie, c'est au niveau archétypal, c'est-à-dire que c'est dans ce qui archétypalement a manipulé les indigènes ici, donc les autochtones de l'Amérique, et le phénomène esprétique, géovique, qui a aussi prévalu, qui prévaut encore en Australie. Quelqu'un qui va en Australie, la majorité des Québécois qui vont en Australie vont se sentir relativement chez eux. De quel faisceau énergétique est Staline? C'est un sacré bonhomme. Staline, c'est un faisceau de fer. Il est relié à un faisceau énergétique de fer, un faisceau énergétique de lance, un faisceau énergétique de pointe, un faisceau énergétique, le même faisceau que Longinus. Il est relié à un faisceau énergétique qui n'est pas celui d'Adolf Hitler. Il est relié à un faisceau énergétique qui est extrêmement... C'est un faisceau de masse, c'est un faisceau Robespierre, c'est un faisceau de ce genre. Je crois que si on fouille un peu dans l'histoire française pour voir qui était ce Robespierre... Merlin? Non. Mais très proche de Merlin. On ne parlera pas d'Arthur, mais dans l'entourage de la table ronde, il y avait effectivement ce faisceau énergétique. D'ailleurs, Staline est la réincarnation de plusieurs de ces personnages que j'ai nommés. Pourquoi l'homme a toujours relié les extraterrestres au mot martien et non pas mercurien ou vénusien, etc.? Inconsciemment, l'homme sait-il qu'il vient de là? Non. C'est simplement parce que Mars est une planète rouge, planète de sang, planète de guerre, du point de vue de l'expérience. Mars est connu, très facile à voir. Et à un moment donné, dans un territoire du sud, il y a un bonhomme qui a attrapé un martien et qui l'a mis dans sa vitrine, c'était un barbier. Et puis les gens venaient se faire couper les cheveux là pour pouvoir voir le martien. C'était un bonhomme vert avec des antennes. Et c'était un martien parce que c'était un martien. Lui, il avait décidé que c'était un martien. Et beaucoup, beaucoup plus tard, il y a des spécialistes... de la zoologie qui ont poursuivi le bonhomme parce que c'était un singe qu'il avait peinturé en vert et auquel il avait planté deux clous dans la tête. Et depuis ce temps-là, les martiens sont des petits bonhommes verts avec des antennes et c'était un martien parce que lui, il appelait ça martien. Et puis là, ça avait tellement fait couler d'encre et de salive, que finalement, c'est devenu un néotype qui est resté dans la conscience de l'humain. On parle donc de martien. Alors, lorsque, par la suite, un certain bonhomme a voulu faire une émission sur l'invasion de la planète Terre, ben, ça venait encore de Mars, c'était des martiens. Parce que c'était logique, c'était des martiens. Personne n'aurait eu peur des Vénusiens, des Mercuriens, parce qu'on savait que les martiens, ça existait. Et, enfin, il y en avait eu un longtemps, dans une vitrine. Alors, c'était des martiens. Voilà. Mais l'homme ne vient pas de Mars. Quels sont une les barre moyens qui vient de là. Une barre de chocolat. Quels sont les moyens pour trouver à quel faisceau nous appartenons? La meilleure façon pour savoir à quel faisceau on appartient, si réellement l'ego veut le savoir et si l'ego a du temps à perdre pour prendre son temps à se trouver à quel faisceau on appartient, si on a une raison intelligente dans ce sens qu'on veut comprendre pourquoi notre manipulation évolutive nous oblige à être confrontés à un système de vie particulier, toujours malade même si tu entretiens ta santé, toujours riche même si tu ne fais rien, toujours en train de travailler, que tu sois pauvre ou que tu sois riche, toujours en train de regretter, de douter si tu n'as pas vexé Dieu, tu décides que Dieu n'existe pas, mais tu es quand même plus sûr. Toujours en train, bon, il y a donc différents phénomènes qui peuvent nous permettre de comprendre un peu plus pourquoi tout le cheminement, le vêtement de notre vie est de tel ordre. C'est intéressant pour pouvoir cesser de vouloir s'en sortir en essayant, à part l'espoir. Et maintenant, on devra intelligencer les événements, les choses, pour que l'ajusteur de pensée finisse par mentalement permettre à l'ego d'avoir des raisons plus solides, d'éliminer les raisons émotives et de se revêtir de raisons animotives, de raisons intelligentes pour changer les choses. Mais sinon, ce qu'on peut faire, lancez-vous en affaire, vous faites faillite, c'est pas ce faisceau-là. Mangez. Peux-tu expliquer ça à ton gérant de banque, que t'es pas dans le bon faisceau? Ben, ça dépend. Si c'est son faisceau de la pauvreté, il va peut-être comprendre que tu dépenses ton argent. Hein? Tu peux essayer donc, si tu veux vérifier, un bon moyen de savoir de quel faisceau on est, c'est ça. Mange beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sucre. As-tu beaucoup de caries? Non, lui, il en mange presque pas de sucre. Mais il y a 5 plombages, il manque des dents. Ça te donne une idée, tu fais ça. Vérifie son corps physique, tu vas voir. Il est malade, son corps physique. Peut-être que ça ne paraît pas encore là, mais il ne pourra pas suivre longtemps si tu te mets à courir. Tu ne fais pas d'exercice, mais quand tu cours avec quelqu'un qui s'entraîne de temps en temps, ben, tu cours comme lui. Puis il y a un faisceau à être physiquement retenu, toi, tu as un faisceau à être physiquement allégé. Alors, on vérifie. Tu te lances simplement, tu vérifies. Si tu prends ben du sucre, puis tu te pourris de caries, tu sais que tu as un faisceau de maladie. Cesse de prendre du sucre, puis il va t'acheter des dentiers. Mais c'est coûté cher pour apprendre, mais il n'empêche que si quelqu'un veut savoir, il peut savoir. Vous rentrez dans une église. Ça va enrichir le dentiste qui avait un faisceau de riche. Oui. Vous rentrez dans une église, vous allez prier, vous allez vous mettre à genoux, vous allez aimer ça, vous allez. Si vous avez toujours un. Vous n'êtes pas du faisceau de prière. Mais là, vous allez dire, oui, mais j'ai été 25 ans dans la religion catholique, et puis donc j'avais ce faisceau-là, maintenant ça me pue au nez, j'ai plus le même faisceau. Non. Ton ego était catholique. Mais va prier chez les Krishna. Va prier chez les Mormons. Va prier chez les Jéhovah. Va prier chez les catholiques. Te sens-tu de la même âme? T'as un faisceau de prière. Simple. T'as un faisceau théologique. Un faisceau spirituel qui va te faire pardonner les protestants. Qui va te faire aimer les anglicans. Ça va. Tu as ce faisceau-là. Tu n'es pas capable de sentir une religion plutôt qu'une autre. Tu n'as pas un faisceau religieux. Tu as un faisceau guerrier. Ah, tu es catholique! Oui, mais prêt à délivrer le tombeau du Christ en Terre Sainte. C'est ton faisceau, c'est un faisceau de guerre, de guerrier. Il suffit de voir, tu aimes l'action, mais quand il y en a, tu n'arrives plus à vivre dedans du tout. Tu n'as pas un faisceau de guerrier. Tu as le faisceau du gars qui est dans sa tanière avec l'abri nucléaire, puis qui a peur, qui espère qu'il va avoir une guerre pour que son abri serve. Bon, tu aimes l'action, tu aimerais ça qu'un vol de banque arrive quand tu viens déposer pour voir ce qui se passe. Quand ça arrive, tu ne vois plus rien, ton cœur se promène. Tu as le faisceau du gars qui veut la guerre, puis qui veut se cacher dans son trou, l'autruche. Bon. Alors, on peut vérifier de quelle façon on est comme ça. Quand on sait ça, on paramètre notre vie. Vous avez un faisceau d'autruche, pensez pas avoir de l'argent, la vie va s'arranger continuellement pour que des événements se trament autour de vous. Bon, ça va te faire peur. Alors, tu te lances en affaires, on te trahit. Bon, c'est intéressant. Mais on te trahit d'une façon, parce que ça ne trahit pas trop, tu le sais pas, puis tu hésites, puis tu as peur, puis tout le temps. Tu deviens riche pour pouvoir avoir peur de te faire descendre. Ça veut dire que c'est mon faisceau de richesse? Non! Non, le riche est libéré, le riche est riche. Toi, tu as peur de te faire descendre, il te faut une chemise anti-balle, il te faut une automobile. Toujours, tu sais maintenant de quel faisceau tu appartiens. Ta vie va être enlignée comme ça. Sauf si à un moment donné, tu transcendes ce phénomène-là en éliminant la vision des archétypes, la vision de l'illusion. Ça continue de paramétrer, mais là, tu es en train d'aller chercher un contact qui va t'aiguiller, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir sortir de l'évolution archangélique collective. C'est tout. Mais on peut le vérifier. C'est intéressant à vérifier, savoir à quel esprit on est relié, pour qu'on cesse de travailler dans le but d'aller chercher... Bon, je regarde Charles, et puis je deviens jaloux. J'essaye maintenant d'être comme lui. C'est mon idole, je vise comme lui. Je vise pas, je comprends. Non, mais, un exemple. Je vise comme lui. Ça marche pas. On prend le même esprit. Il ne peut pas vivre dans ses bottines, il n'y a rien à faire. En connaissant ce que à quoi je suis relié, eh bien, je pourrais me dire, bon, ben ça sert absolument rien. C'est ça, je l'élimine ça, ça, je l'élimine ça, je l'élimine ça. Chose certaine, je vais avoir ça pendant encore les 10 prochaines années. Tu vas dire, oui, mais c'est plate de savoir que tu es dans un esprit malade, puis tu en as encore pour 10 ou 15 ans. C'est peut-être plate, mais c'est moussement plus utile que de passer 50 ans à essayer d'être d'autres choses. Maintenant que je le sais, correct. Je vais m'organiser pour me tenir en santé. Ça va atténuer la maladie, mais je sais que je vais attraper quand même la grippe, même si je prends de l'ail, même si je m'habille chaudement. Je suis ingrippé. Rien à faire, être pris dedans. Alors, ça ne vaut pas la peine que je fasse tout mon faire le minimum. On est correct. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce qui habite, ce qui vient colorer le contact. Je vais développer une intelligence chez moi, un ajusteur de pensée, pour que lorsque l'esprit descend, puis qu'il m'envoie attraper la grippe, que ce soit mentalement, par l'ajusteur de pensée, canalisé différemment pour qu'il se passe d'autres choses. Alors maintenant que je sais que j'aurai la grippe pendant les 15 prochaines années, je suis dans un esprit qui aime un corps physique malade, c'est avec ça qu'il se nourrit, qui fait évoluer Dieu le corps, et bien maintenant je m'enligne pour, c'est correct, j'arrête de lutter, je m'achète des Kleenex, puis maintenant je m'instruis en fonction de briser l'illusion. Si je suis dans un phénomène pour être riche, attention, l'ego peut carrément, alors je peux carrément manquer mon coup. Je vais être riche toute ma vie, mais je vais mourir en me demandant pareil qu'est-ce que je vais faire ici, comme le malade ou comme le pauvre. Maintenant que j'ai de l'argent, je ne la donne pas à n'importe qui. Parce que si je donne de l'argent à quelqu'un qui doit être pauvre, ça nuit. Cosmiquement, je peux me faire barrer du point de vue financier pour ne pas nuire à trop de gens. Je suis bâti pour être riche. Tout le monde, tu sais, moi, pense que je suis riche, mais j'en ai pas. Je suis dans l'archétype de la richesse. Mon esprit est un esprit riche. J'en ai pas. Mais ceux qui en ont sont sûrs que j'en ai. Je suis un esprit de richesse. Mais je suis barré parce que j'ai trop d'importance, j'ai trop de puissance, je peux nuire. Je suis barré. La journée que je décide de garder mon argent chez moi, puis de ne pas donner à personne, l'argent va commencer à rentrer. Mon ego peut faire des conneries, mais c'est pas l'esprit. L'ego et l'esprit, c'est deux choses. Ton ego peut avoir le goût de prier. C'est l'ego qui a le goût de prier. Mais ton esprit, toute fois que tu vas aller prier, tu vas faire des conneries. Tu vas renverser le cierge, tu vas mettre le feu à l'église, tu vas péter, tu vas. Hé, on a quelle connerie! Tu n'as pas, ça ne fonctionne pas. L'ego veut, pas l'esprit. Ceux qui vivent une grande amitié ou un grand amour sont-ils reliés au niveau de l'esprit ou au niveau de l'âme? Ceux qui vivent une grande amitié sont reliés au niveau de l'esprit. Ceux qui vivent un grand amour sont reliés au niveau de l'âme. Dans mon travail, je parle, on me paie pour le faire. Moi aussi. Le temps que ça prend... Je savais qu'on avait une différence. Le temps que ça prend pour instruire mon ego et développer une parole juste me fait peur. J'ai peur de renforcer mon ego au lieu d'aller vers la négoïsation à cause d'un restant d'émotivité. Comment neutraliser l'émotivité? Cessez d'avoir peur. Lorsque l'on échappe à la manipulation, est-ce qu'on agit automatiquement de façon intelligente? Je n'arrive pas à distinguer ce qui est intelligent de ce qui ne l'est pas. Est-ce parce que ma conscience est trop limitée ou est-ce parce que je suis encore trop manipulé? C'est ça. On n'échappe pas à la manipulation. On est manipulé par de l'intelligence ou par de la stupidité. C'est tout. Lorsque l'individu n'arrive pas encore à discerner le bien du mal, c'est-à-dire l'écologie de l'inécologique, c'est simplement parce qu'il n'y a pas encore échappé aux manipulations inintelligentes. De temps en temps, c'est possible que sa vibration lui permette de vivre de l'intelligence. Alors, il est manipulé par l'intelligence. Très simple. Vous avez trois solutions à un problème. Deux solutions stupides, une solution intelligente. Vous êtes stupide. Laquelle vous prenez? Solution stupide. Ou bien par hasard, la solution intelligente. Vous avez trois solutions, deux stupides, une intelligente. Vous êtes intelligent. Vous allez voir la solution intelligente. Avez-vous le choix? Non, vous allez prendre la solution intelligente. Vous restez manipulé. Mais c'est plus agréable. Quand la personne n'est pas encore capable de discerner, c'est qu'elle n'est pas encore suffisamment désengagée de la manipulation astrale, de la manipulation par l'émotion, c'est-à-dire qu'elle est encore trop convaincue qu'elle a un libre-arbitre. Alors, elle fait reposer un immense poids karmique de culpabilité avant sur la décision qu'elle va prendre. Oui, mais si je me trompe, tu ne peux pas te tromper, tu vas faire ce que tu vas faire. Tu es manipulé. Alors, lorsque l'individu finit par éliminer ce poids du libre-arbitre, elle va simplement faire une des choses. Lorsqu'elle sera intelligente, elle va aussi nécessairement faire une des choses. Puis ce sera la bonne chose. C'est tellement, tellement plus simple. Vous avez deux choix. Prenez-en un. Lequel? On s'en fout. De toute façon, vous allez prendre celui que vous aurez à prendre. On peut passer 5 heures à réfléchir, on peut choisir avec pile ou face, on va prendre le même choix. Mémoriel, mais vous ne déciderez jamais en fonction de l'intelligence d'une chose. Vous ne pouvez pas savoir si quelque chose va fonctionner avant. À un moment donné, on a des produits qui annoncent le nouveau formule améliorée. Ça marche. À un moment donné, on a Coke qui dit le nouveau formule améliorée. Ça ne marche pas. Ben voilà. On sait après. Alors pourquoi se casser la tête? Mieux de se casser la gueule. Si tu as la casser pareil. Tu te casses la tête avant, tu te casses la gueule après. Ben mieux vaut pas se casser la tête avant, sinon tu te casses la gueule. C'est moins mal. Puis si tu réussis, si tu te casses la tête avant, tu réussis après. Pile ou face, tu réussis pareil. Regarde ceux qui gagnent à la loterie. Il y en a qui méditent, hein? Il y en a qui font du pendule, des tirages de cartes. Il y en a qui payent des cartomanciens. Le cartomancien, il sait quel chiffre qu'il va gagner, mais lui, il n'aura pas de l'acheter parce qu'il ne vit pas d'argent. Lui, tu sais, lui, il est modeste. Il charge 50$, par exemple, tu as dit qu'il ne vit pas d'argent. Oui, parce qu'il sait que ses chiffres ne marcheront pas. Bon. Il y en a qui font un paquet de choses, puis il y en a qui font juste prendre des papiers. Qui c'est qui gagne? Les dates de fête. Ah, moi, je mets où les dates de fête? Voyons, donc, il y a-tu assez de fêtes sur la planète? Toutes des dates de fête qui sont mises finalement? Il y en a toujours. Tu peux réfléchir, ne pas réfléchir. Tu peux acheter 25 000 billets. Ce qui est intéressant, c'est que tu en achètes avec un, le bon. Au bon moment. Mais si tu en achètes un 2 semaines avant, c'est pas le bon. Il faut que tu en achètes un autre après, puis un autre après, puis un autre après, puis un autre après, jusqu'à temps que tu achètes le bon. Là, tu vas te dire, oui, mais si j'en achète tout le temps, la journée, je n'achèterai pas. D'un coup, c'est là. Oui, tu n'achèteras pas non plus. Tu n'as pas à gagner. Fait que tu en achètes tout le temps que tu ne gagnes pas, puis la journée que tu peux gagner, tu n'achèteras pas. Parce que là, les dates de fête de tes enfants tombent sur la roulette. Mais là, tu n'as pas eu le temps du trafic, il y avait ça, si t'as pas, tu n'achèteras pas. Puis après ça, tu recommençais. J'ai connu un gars, moi, qui avait tous les chiffres de mini loto. Le billet de la semaine dernière, ça concordait avec tous les chiffres de cette semaine. Mais c'était pas le bon billet, c'était le billet de la semaine dernière. Il savait, il gagnait pas, mais c'était génial. Tous les bons chiffres. Alors, c'est ça. Ça vaut même pas la peine de réfléchir ou quoi que ce soit. Tu. Le risque, on en a parlé à un moment donné du risque. Qu'est-ce qui est risqué? Rien. Il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Ce n'est pas risqué. Vous achetez à la bourse. Il y a beaucoup de risques. Vous allez faire beaucoup de profits. Il n'y a pas de risque. Mais votre ego va vivre proche du gouffre. Et c'est pour ça que vous gagnez plus. Mais il n'y a pas de risque. Ça ne tombe pas. Ça ne tombera pas. Mais vous êtes proche du gouffre. Alors, on cherche plus. Mais par contre, si vous voulez cheminer loin du gouffre, vous ne ferez pas beaucoup de profits. Parce qu'astralement, il n'y a pas assez d'échanges avec le monde de la mort. Alors, tu n'auras pas beaucoup de profits financiers. Mais on dit c'est sécure, c'est pas sécure. Elle ne tombera pas non plus. Mais si tu t'emballes à quelque chose qui tombe, c'est pas risqué. Ça tombe. C'est sûr que ça tombe. C'est sûr que ça tombe. Il n'y a aucun risque. Puis là, tu sécrètes un peu plus. C'est pas risqué que ça reste en haut, c'est sûr que ça tombe. Il n'y a pas de risque sur la planète. Il n'y a pas de risque. Il y en a qui s'en vont au front, c'est plus risqué qu'un autre. Son chum, il meurt d'un accident de char à la maison. Lui, il passe 2 ans de guerre au Vietnam, puis il revient. Lequel était plus risqué? Ben, c'est mathématiquement, c'est plus risqué là-bas. Non, c'est faux, il n'y a pas de risque. Mathématiquement, il y en a plus qui meurent là-bas. Oui, mais il n'y a pas plus de risque. Pas plus de risque. La vie n'est pas risquée pour tout. Pouvez-vous me donner un exemple de raison intelligente de ne pas être malade ou de devenir riche? Merci. Oui, je peux, mais je ne le fais pas. Imaginez un jour que votre conscience arrive à intelligencer la raison que je vais donner. Bien, si je la donne, vous allez l'apprendre. Vous ne pourrez jamais l'intelligencer, il vous en faudra une autre. Fait que j'aime autant pas en donner. Il y en a, mais j'aime autant pas en donner. C'est tellement plus logique, efficace. Tu es presque en train de la trouver, parce que apprendre une raison intelligente, c'est pas bon. La vibrer. La voir claire, elle nous éclate dans la conscience. C'est ouvert. C'est un grand cheminement évolutif au niveau énergétique. L'apprendre, quand l'ego va être proche de la faire éclater, il va dire, ah oui, mais ça, on le sait, ça ne marche pas, c'est ça, on le sait. C'est pas bon. C'est zéro. Il ne faut pas que ce soit l'ego qui l'apprenne, il faut que ce soit l'esprit qui le veuille. Ou... Prends quelqu'un qui fume, puis qui n'entend jamais parler que la cigarette, c'est pas bon, puis la journée qu'il le découvre, il va travailler pour arrêter. Maintenant qu'on l'enseigne à tout le monde, ben oui, on le sait. Oui, tu l'as appris. Mais ça n'a plus de valeur. Tu l'as appris. Il y a même des gens qui l'apprennent et qui un jour découvrent que ce qu'ils savent, ben c'est ça. C'est vrai. Là, ils viennent de le découvrir, malgré qu'ils l'avaient appris. Ça prend un peu plus de temps. Donner une raison intelligente, c'est de barrer un humain. Fait qu'il y en a des raisons intelligentes. Nous serions ici à perfectionner la génétique humaine seulement. Exact. Au profit de qui? De quoi? Ça ressemble à de l'élevage de bétail. T'en plains ce que c'est? Comme nous le faisons nous aussi. Croissez et multipliez-vous. Comme on fait avec le bétail. Ou une expérience de laboratoire que serait la planète. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que j'en dis? Bien les choses. C'est bien, au moins on ne dit pas ce que j'en pense. Plaisant. Nous serions ici à perfectionner la génétique humaine seulement. C'est exact. Si vous avez un corps d'arriéré, vous aurez une expression d'arriéré. C'est très simple. Vous êtes intelligent. Qu'avez-vous de plus que celui qui est aliéné mental? Votre réincarnation? Mais non. Chien qui apprend son cerveau pour vous le donner. Vous ne serez plus intelligent. C'est le corps physique qui va le déterminer. Je tripote votre cerveau, je vais changer ce que vous allez exprimer. Vous prenez de l'alcool, vous allez altérer votre physique. Regardez quelle va être l'allure de votre psychologie. Très simple. On va vous alcooliser totalement. Mais d'ici 15 ans, vous allez être aussi aliéné que celui qui est aliéné dès le départ. Le corps physique aurait été altéré. Entretenir le corps physique, travailler l'isométrie cérébrale, on améliore la conscience, la génétique. Et étant donné que l'être humain a la faculté de cellulariser, il le transmet pas à ses enfants. Mais étant donné qu'on a l'habitude d'avoir des enfants lorsqu'on est très jeune, le peu de cellularisation qu'on a fait que l'évolution génétique avance lentement, à coup de milliers, sinon de millions d'années. Mais plus ça va, plus les jeunes veulent avoir des enfants. Plus tard, ils vont cellulariser beaucoup plus de phénomènes expérientiels et les enfants auront donc un poids d'avance. Au profit de qui? De quoi? Au profit d'une mécanique. C'est... Je vais répondre, mais on ne peut peut-être pas tout comprendre. C'est une question qu'on répond beaucoup plus en séminaire. Au profit de rien, absolument rien, pour la simple raison que la création est totalement un accident, l'être humain est un phénomène intentionnel qui provient d'un phénomène extra-créationnel et qui n'a comme seule fonction que d'accumuler tout l'espace-temps dans une structure atomique mémorielle, notre mémoire archétypale et génétique, de façon à résorber tout le temps. Il y a eu un pet universel à un moment donné, créationnel. On est là pour le respirer. Bon. On est une grande aspirateur. On ramasse tout le temps. Tout l'avenir existe. Le passé n'existe plus, il est chez nous, dans notre corps, dans notre conscience, dans notre mémoire. Nous aspirons. C'est pourquoi tout est irréversible. Une fois qu'on l'a vécu, c'est chez nous. On ne peut plus rien changer. L'avenir, on peut jouer avec, on peut colorer les choses, les gaz. En arrière, il n'y a plus rien. Quand on aura tout vécu, il n'y aura plus rien. Ça ne sera que de la mémoire. Nous allons devoir grandir le réceptacle, le corps physique. Il y aura différentes choses qui vont se faire. L'être humain, à un moment donné, aura une conscience mémorielle plus tellement plus vibratoire qu'elle sera instantanée par rapport à la conscience astrale qui habite le corps physique présentement. Il n'aura plus de corps de chair. Ça va être bien trop petit pour supporter les choses. Il deviendra lui-même une galaxie, un univers, un super univers, un phénomène créationnel. Et à un moment donné, il se résorbera totalement pour retourner là où il était dans le départ. Mais encore là, on pourra en parler énormément de temps. C'est des choses que je fais surtout en séminaire. Ça ressemble à de l'élevage de bétail. C'est exactement ce que c'est. Il y a l'évolution de l'animal humain. Il vit en troupeau, il fait les guerres en troupeau, il a peur en gang. C'est identique à l'élevage de bétail. Comme nous le faisons nous aussi. Exactement. On fait ce que, comme on est nous-mêmes. Hein? On fait la même chose. Et, ou une expérience de laboratoire, que serait la planète? Non, ce n'est pas une expérience de laboratoire. Nous ne sommes pas expérimentales, nous sommes expérientiels. Nous ne donnons pas d'expérience à autrui, nous vivons d'expérience. Ce n'est pas expérimental. Il y a évidemment des extraterrestres qui nous bourdonnent autour de nous autres parce qu'ils ont des problèmes comme nous chez eux, puis ils essaient de voir si on a la solution. Mais ça, ils nous espionnent, c'est sûr. À eux autres, on sert de laboratoire. On est là, le laboratoire. On sert de solution, mais pas de laboratoire, parce qu'ils n'ont pas la faculté de venir expérimenter des choses. Certains piquent la génétique de temps en temps pour essayer de ramasser la génétique humaine pour pouvoir mettre leur conscience dedans parce que leur corps physique est en phase d'involution alors que le corps humain est en phase d'évolution. Mais on n'est pas le laboratoire pour eux, absolument pas. Il y a richesse, pauvreté et maladie. Quels sont les 9 autres faisceaux? Le signe astral a-t-il une relation avec les faisceaux? Non, le signe astral n'a pas de relation avec le faisceau. Il a une relation simplement avec la structure des paliers mobiles du monde de la mort qui sont, à 90 degrés, en perpendiculaire avec le corps physique et le plan planétaire lorsque le corps commence à attirer des mécanismes réincarnationnels. Autrement dit, les planètes ont simplement à voir avec ce qui va se réincarner chez l'humain, ce qui va le manipuler par la suite du point de vue de son âme. C'est intéressant. Les gens ont retenu richesse, pauvreté, maladie. C'est les 3 plus épeurants pour l'ego. J'ai nommé les 3 phénomènes guéris, on passe à 6. J'ai nommé le phénomène religieux. J'ai nommé un paquet d'autres phénomènes. Les 12 ont possiblement été nommés. Je pourrais les renommer. Je vais me rebrancher à la même place. Ça ne me tente pas trop. La question n'est pas assez claire pour ça, mais je l'ai déjà suffisamment nommé. Alors, on peut simplement se référer à la cassette. Ils sont là. Ce que je n'ai pas nommé beaucoup dans les faisceaux, c'est le faisceau d'intelligence. Il y en a un qui est extrêmement logique. Il ne fonctionne que par l'intellect. Ce que tu nous enseignes ou nous dis, n'est-ce pas la même chose que Lucifer a fait? Absolument! Absolument! Voyons! Vouloir fonctionner sur son propre énergie ou intelligence. Sur sa propre énergie ou intelligence. Hé, toi! Lucifer, c'est un porteur de lumière. Créé par Dieu. Si Dieu est parfait, il n'a pas créé Lucifer imparfait pour que Lucifer vienne le ramasser à un moment donné. C'était prévu. Lucifer était mandaté. Lucifer, d'ailleurs, est le père créateur d'une grande partie de l'humanité. Alors, quand on parle de Lucifer qui a trahi Dieu, il n'a pas voulu descendre aussi bas. Chacun son point de vue. Remarque bien. Si Dieu est parfait, il aurait permis la création de Satan, d'Ariman, du mal, de la souffrance. Il aurait rendu les corps impurs. Ah, c'est l'homme un jour qui a bouffé une pomme interdite dans un jardin d'Éden où il y avait tout. Dieu veut qu'il a planté son arbre ailleurs. Jamais l'homme n'aurait touché à ça. Si l'homme était à l'image de Dieu, si Dieu était parfait, l'homme étant parfait, il n'aurait pas fait de conneries. Il fallait que la connerie existe déjà chez l'homme. Ou chez Dieu. Elle existait des deux. Dieu était assez con pour planter l'arbre là, l'homme était assez con pour aller goûter. Ça ne sert à rien de dire « Je prends deux enfants purs et parfaits, je les mets dans un parc et je mets un revolver chargé dans le parc et j'ai deux enfants, ne touchez pas au revolver. » S'il y en a un qui le prend et qui tue l'autre, on va dire « C'est parce que le mal l'habitait déjà. » Le mal n'a pas besoin de l'habiter. C'est évident que ça va arriver. Alors, mettons le revolver ailleurs. Si on le met là, c'est prévu. Puis s'y faire, c'est un bon gars. Pourquoi les gens que j'amène avec moi restent un peu et ne reviennent pas? Est-ce leur ego ou le bas astral qui les manipule ou n'entendent pas les choses? C'est très simple. Premièrement, ça peut être la température. Ils ont trop loin à marcher si vous venez en autobus. Deuxièmement, ça peut être le fait que lorsque vous amenez quelqu'un pour la première fois ici et qu'en avant, il y a un gars qui se prend pour quelqu'un d'autre, ça peut les frustrer énormément. En plus, ça peut être parce que là, en avant, il y a un gars qui est totalement fou, totalement flayé, ça n'a plus aucun sens, totalement débile. C'est assez pour qu'il ne revienne pas. Remarquez, vous feriez la même chose si vous verriez un gars comme ça. Ils n'ont pas tort. Bon. Tout dépend des points de vue. C'est ça. Alors, c'est évident que si eux autres vous amèneraient quelque part où la personne là, vous demande de se lever, de sauter, de joindre les mains, de s'échanger des fleurs et des becs avant de sortir, vous allez ne pas jamais retourner. Alors, ça dépend justement des individus. C'est simplement ça. C'est pas le bas astral. C'est ces personnes-là, ils ont un phénomène évolutif extrêmement intéressant. S'ils n'ont pas à cheminer avec ce que je dis, c'est intelligent qu'ils ne reviennent pas. Si leur corps physique est trop froid, c'est évident aussi qu'ils ne reviendront peut-être pas. Dans les hôtels, peut-être qu'ils vont venir un peu plus. Mais ça dépend, ils ne sont pas plus ou moins évolués. Leur cheminement ne croise pas le vôtre ou le mien. C'est simple. C'est rendu que les gens qui prient comme des moutons ou qui remettent tout entre les mains de Dieu... Les moutons ne prient pas. Ils font « ben, ils prient pas les moutons. » Disons, ceux qui remettent tout entre les mains de Dieu me font chier. Et en même temps, je demande à... Je demande envers qui je dois me retourner pour m'énergiser. Retourne chez toi. On a une masse d'énergie à l'intérieur de nous. On doit apprendre à se supporter. J'ai vécu il y a plusieurs années lors d'une méditation une expérience spéciale. Incapable de bouger et à la fois très consciente, mais incapable de bouger. Elle dormait. J'ai senti que des êtres m'ont piqué et qu'un liquide a parcouru mon corps. Je sentais plusieurs êtres autour de moi et ils rigolaient, je pense. Quand tout fut fini, j'ai pu rebouger. Est-ce des extraterrestres ou des intraterrestres? Le lendemain, j'ai eu avec une fièvre atroce et depuis, je suis congestionné. Depuis cette semaine, je sais, et ce passe à être télépathique, que je suis débarrassé de ce liquide. Pourquoi m'a-t-on fait vivre cette expérience? Alors, hélas, elle sait bien les choses. Elle me demande de confirmer les choses. Et elle finalise en disant qu'elle se sait débarrassée. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on n'en parle plus. Parce que si on en parle encore, on permet à certaines choses de revenir. Quand un problème est réglé, ce problème doit ne jamais avoir existé. Oublie-le. Élimine-le. Digère-le. Parle-en plus. Passons à autre chose. Tu tournes la page complètement. Tu tournes le livre au complet. Comment se libérer de l'anxiété? Bon, l'anxiété, tout à l'heure, on parlait d'un faisceau particulier qui fait que les gens sont dans quelque chose d'intéressant. L'anxiété peut être canalisée. Libérer l'anxiété, c'est assez complexe, mais on peut la canaliser. Autrement dit, on a des individus qui sont anxieux de leur vie. D'autres vont être anxieux de savoir si les Nordiques vont perdre. Mais c'est une canalisation d'anxiété. C'est plus profitable. Anxieux de savoir s'il va pleuvoir, s'il va faire beau, c'est plus profitable. Lentement, on pourra être anxieux de savoir si on aura un dobétérique. Bon, l'anxiété va rester pendant un laps de temps, c'est relié au faisceau de l'autruche, enfin celui qui vit toujours dans la peur. Comment se libérer de l'anxiété? On doit s'arranger pour se mentaliser. Une chose que l'on peut faire, c'est lorsque l'on est anxieux, si on est capable de le faire, c'est de crier. Pas au secours, mais de lâcher simplement des cris neutres. On appelle cela un quiaille. Si on ne peut pas, parce que si on fait ça, on va rendre anxieux tous ceux avec qui on vit. Ça au forum, là. Oui, ça défoule. Il y a... Ça dépend de l'individu, ça dépend de plusieurs choses. Alors, je ne peux pas répondre comme cela en donnant des trucs, mais c'est évident que l'anxiété, c'est relié à un faisceau. Et l'individu peut apprendre à jouer avec son anxiété. Elle peut le canaliser, son anxiété. Une chose évidente, c'est qu'on commence par l'intelligencer, trouver ça stupide d'être inquiet. Sauf que quand on fait ça, l'ego embarque. En plus de trouver ça stupide qu'on soit anxieux, on se trouve carrément stupide de l'être. On ne doit pas faire cette mécanique-là. Toute frustration nourrit l'ego et non pas le mental. Alors, on commence par observer qu'on est anxieux et par découvrir que c'est stupide. Immédiatement, vous êtes là, vous, dans ce qui observe. Le reste, c'est la mécanistique exprimée des divinités, de Dieu. Se libérer de l'anxiété va se faire à travers un travail qui est quand même relativement long. Il n'y a pas de truc. La conscientisation. Il y a des trucs imbéciles, mais pendant qu'on s'occupe de ça, on n'évolue pas et c'est pas mon... Quand tu parles comme ça de s'observer, on devient l'observateur. Est-ce que lorsqu'on conduit, puis qu'on se rend compte soudainement que ça fait, disons, on est passé tel village, on n'a même pas remarqué qu'on était passé tel village, on a conduit dans le trafic, on n'a pas touché à personne. Puis lorsque tu conduisais, mais que tu n'étais pas là. C'est ça. Est-ce que c'est un exemple ou une preuve de... qu'on n'est pas le corps physique, finalement. Parce que c'est le corps qui conduit, qu'on se regarde conduire. Ou... Bien, c'est évident, c'est une des rares preuves qu'on n'est pas le corps physique, mais quand tu meurs, puis qu'on arrive à te réanimer, puis tu reviens dans ton corps physique, tu nous comptes ce que tu as vu, je pense que c'est la preuve carrément qu'on n'est pas le corps physique. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a des mémoires d'intervention. Présentement, tu as structuré, ton cerveau est bâti de façon à te permettre une conduite totale avec une vigilance sur la route, et ça te permet de faire une extra-conscientisation astrale, donc tu fais un voyage astral, c'est-à-dire que tu penses ou tu dors, tu es réveillé, tu dors. Et tu chemines dans ta pensée, donc dans des mémoires, alors que tout le corps physique au complet gère la conduite. S'il arrive quelque chose de dangereux, un chevreuil qui vient me traverser le chemin et ce n'est pas prévu sur ton autoroute, bien immédiatement, ça va ramener, donc ça te réveille, ça va avertir la structure égoïque qui manipule le corps physique, et là, tu vas revenir. Une personne peut marcher, la même chose, elle traverse 4-5 rues, elle s'en va, il n'y a aucun automobile qui peut la frapper, elle est comme somnambule, elle est seule et elle déambule, et puis elle s'en va. Il n'y a aucun danger. L'énergie égoïque libérée lors de l'anégoïsation sert à la construction du double éthérique. Est-ce que ce double éthérique serait un faisceau individuel parmi plusieurs autres, constituant ainsi un des 12 faisceaux majeurs planétaires? Le double éthérique est le réceptacle le plus convenable exprimé aux abords de la planète Terre de ce que va être un faisceau. Mais le double éthérique, c'est... Le faisceau lui-même, disons, la brume. Mais parlons du faisceau, il se divise à travers des millions d'humains. Et il va se grandir dans un réceptacle qui sera le double éthérique, avec un contact par l'ajusteur de pensée. Il reste quand même au niveau de ta structure moléculaire et atomique de ton corps physique. Tout ce qu'il y a, c'est que tu crées un renflement. Lorsque le corps physique ne sera plus capable de te maintenir, eh bien, au lieu d'aller dans le monde de la mort, tu vas rejoindre ton double éthérique, ce qui fait que tu ne gagneras pas le monde de la mort. De ce fait, tu seras immortel. Si j'apprends par essai, erreur, expérience, comment puis-je décoder ce qu'il y a du karma de ce que je puis éviter par l'intelligence? De toute façon, n'importe quel karma, si on le transmute en leçon, c'est plus un karma, c'est de l'énergie qui nous aide à grimper. Et le karma le plus fascinant à éliminer, c'est la culpabilité. 99% du karma tombe à l'eau. Le reste, il y a de l'événement expérientiel. Ce n'est pas, c'est un karma qui est instantané, qui est une mécanique relationnelle. Quand il neige, la neige vous tombe sur vous. C'est un karma. que c'est un karma collectif, c'est un karma planétaire, c'est un karma mécanique. Alors, on peut l'éviter en prenant un parapluie. L'alimentation a un effet sur le corps. Quoi et comment s'alimenter? La meilleure chose pour s'alimenter, c'est de commencer par jeûner. De façon à faire jeûner suffisamment nos mémoires expérientielles pour que l'ego cesse de désirer gustativement, énergétiquement des trucs. Une fois qu'on a fait un jeûne relatif, c'est-à-dire qu'on peut faire un jeûne d'un repas par jour pendant un laps de temps, c'est sûr que si on pèse 90 livres et qu'on mesure 6 pieds 8, il faut faire attention. Mais dans la moyenne des cas, on peut faire ce genre de choses. Et sinon, on doit s'arranger pour manger ce qui nous semble plus équilibré, même si on n'aime pas ça au goût, de façon à restimuler mémoriellement l'ego de nouvelles formes de goût pour qu'il finisse, disons, par réapprendre à goûter convenablement les choses. Par la suite, l'individu ne devra manger que ce que son corps lui demande. Alors, tu te promènes, tu vas à des occupations et à un moment donné, tu as soif. Qu'est-ce qui vient à la tête? Du coke. Prends du coke. Simple. Prends un verre, deux verres. Mais quand on discute ensemble, puis là, un bon verre de coke, ce sera bon. Ton corps physique n'a peut-être pas demandé rien, lui. Là, c'est ton ego. Quand on parle, on boit du coke en famille, on boit de la bière en famille. Ça, c'est l'habitude égoïque. Là, maintenant, tu nourris ton corps astral. Mais quand tu as soif, vérifie, tu as faim, qu'est-ce que tu mangerais? Un bon spaghetti. Dans le spaghetti, il y a exactement ce que tu as besoin. Un bon steak. Végétarien ou pas, c'est exactement ce que tu as besoin. C'est tellement plus simple. Mais il faut faire attention. Avant de manger, attendez que le corps ait faim. Il va vous dire quoi manger. Quand vous n'avez plus faim, mangez plus. Et le fait de manger à des heures régulières, c'était dans... Ben, le fait de manger à des heures régulières, c'est... Tu n'as pas nécessairement faim à tous les jours, disons, à 5h30. Mange pas! Mais si, quand tu vis dans une famille où tu es 14 autour de la table... C'est très intéressant. À 5h30... Il n'y a rien de plus bordel qu'une famille où que tous les enfants mangent à des heures irrégulières, le bonhomme et la bonne femme aussi. Tu sais, chez nous, on vient que ça. Ça mange à 11h, ça n'importe quelle heure. Mais il y a un avantage, ils ont prêt à faire la cuisine vite. Chacun fait sa vie. Non, chacun la laisse traîner. Il va mieux, celle-là. Elle est plus logique, elle est plus réaliste. Mais on mange ce que le corps a besoin de manger. Mais il faut attendre d'avoir faim ou d'avoir soif, sinon on ne peut pas savoir. Alors, il est midi, t'as-tu faim? Bon, l'appétit vient en mangeant. Et que c'est stupide! Puis s'il y a des journées que t'as pas faim, t'as pas faim. Tu sais, dans le genre, tu prends un bouillon, ça ouvre l'appétit. C'est du liquide qui rentre dans l'estomac, ça fait un poids, ça gonfle l'estomac, puis c'est absorbé presque immédiatement. Là, t'as un estomac vide. Avant qu'il reprenne sa place, hey, là, tu mets du stock là-dedans, mon ami. Puis le problème, c'est que quand ton estomac est plein, le corps physique, ça peut y prendre jusqu'à 15 minutes avant que le cerveau détecte qu'il est plein l'estomac. Tu vas arrêter de manger 15 minutes après. Puis quand tu arrêtes de manger, ah ben là, ça va juste assez là. Puis regarde, 10, 15, 20 minutes après, là, ton cerveau détecte 15 minutes en retard que t'en as bien trop pris. Là, t'es enflé. T'as pas mal encore. Le cerveau le détecte pas. Alors, il y a un problème. Puis le cerveau détecte la faim 15-20 minutes avant que l'estomac commence réellement, avant que le corps en ait réellement besoin. Fait que ça donne l'idée de quand tu vas faire des réunions d'affaires à table, ou quand tu manges à table, ou quand tu parles à table, comment ça peut être compliqué. Regarder la télévision, par exemple, en mangeant, c'est extrêmement dommageable, pour la seule raison que tu t'occupes tellement qu'avant que ton cerveau détecte que tu n'en masses, tu viens de souper, tu rentres au cinéma, tu achètes pareil, pas de problème, tu ne t'en rendras pas compte que tu démolis la santé. Alors, il faut que tu aies faim et soif, ton corps va te dire quoi manger. Comment être à l'écoute de son propre esprit? Il n'est pas une entité autre que moi. On ne peut pas être à l'écoute de son propre esprit. Voilà. Comment le laisser être à travers moi? Ah! Comment le laisser être à travers moi? Impossible, comptez-y pas, vous n'y parviendrez jamais. Comment le laisser être à travers Dieu ou à travers le corps physique? Oui. Comment être en contact avec? Apprenez à parler. Et apprenez simplement que vous êtes manipulé. Il le fait déjà. Ceux qui sont ici ce soir n'avaient pas le choix. Et en disant cela, j'élimine déjà des prochains qui ne reviendront pas. Ils n'auront pas le choix, ils ne pourront pas revenir écouter un gars qui dit qu'ils n'ont pas le choix de venir. Ils n'auront pas le choix, ils ne viendront pas. Bon. Ils n'auront pas plus de choix. Ça parle, ça vient, ça s'occupe de tout. Et que c'est frustrant pour l'ego. Mais c'est quand même ce qui se passe. On continue à faire ce qu'on fait. C'est génial. Est-ce que l'on crée notre destinée nous-mêmes? Et qu'est-ce qui nous fait changer complètement notre destinée? La destinée ne change pas. C'est prévu que vous allez bifurquer. La destinée n'a pas changé. Vous étiez destiné à bifurquer quand il y a une apparence de changement. On ne crée pas notre destinée nous-mêmes, on ne peut rien créer soi-même. Tous ceux qui achètent des billets de loterie, c'est créer leur destinée eux-mêmes et regagner. On ne crée pas sa destinée. On n'a pas la face qu'on veut. On n'a pas la longueur de barbe qu'on veut. On n'a pas les yeux qu'on veut. On n'a pas la maladie qu'on veut. On n'a pas la santé qu'on veut. On n'a pas la longueur d'ongle d'orteil qu'on veut. On n'a pas... Ah, non, aussi. Ah, bon, franchement, si. Comment l'être humain est apparu dans l'univers? L'être humain est apparu dans l'univers à l'instant où l'être humain a pu prendre conscience qu'il existait. Avant ça, il n'y avait pas d'être humain dans l'univers. Pourquoi l'énergie s'est effusée en 14 faisceaux? Y a-t-il un lien avec les 12 tribus d'Israël? Les 12 faisceaux majeurs qui restent sont reliés à ce qu'on appelle ésotériquement les 12 tribus d'Israël. Il y a la 13e, Lazaréenne, la 14e, Nazaréenne, qui est suffisamment résorbée. Et il y a d'autres mécanicités de faisceaux qui traînent un peu dans notre voisinage. De temps en temps, il y en a qui viennent de d'autres mondes. Mais du point de vue des faisceaux majeurs, il y a 12 faisceaux majeurs, et quand on parle des 12 tribus d'Israël, on définit 12 caractères psychologiques ou caractères expressifs ou caractères divins ou caractères esprétiques des faisceaux. Est-ce que les faisceaux sont issus du soleil? Non, mais il y en a un qui passe par le soleil. De différents soleils? Oui. Ou est-ce que les soleils sont des carrefours de faisceaux? Ben, les soleils sont des carrefours de faisceaux, et les faisceaux passent par les soleils. Si j'ai compris, nous sommes constitués de plusieurs faisceaux. Oui, avec un faisceau majoritaire. N'est-il pas économique en énergie de se retrouver au faisceau dominant? Exact. C'est pourquoi il y en a qui peuvent venir, mais écoutez, à un moment donné, ils vont se pousser, ils vont se sauver. La science reconnaît 4 forces pour décrire la matière. Oh, oui, la science. Électromagnétisme, interaction faible et forte, etc. Tu as dit qu'il y a autant de forces que de faisceaux. Explique. Bon, expliquer. J'ai déjà fait cela une fois pendant 6 heures de temps dans une conférence spéciale. Et ça a été un succès fou. Personne n'a compris. Présentement, la science, l'astrophysique est en train de travailler sur une 5e force. Les 4 forces primaires qui sont énumérées ici, il manque la gravité. Les 4 forces primaires sont connues, et là, on est en train de travailler sur une 5e force. Les 4 dimensions, l'astrophysique envisage qu'il y en ait 7. Certains fous vont même jusqu'à 13. Et lorsque l'on veut parler de l'application de ces forces à travers une conscience qui n'est pas tridimensionnelle ou quadridimensionnelle, les mots peuvent manquer, on les invente, mais il manque le concept. Alors, je vais fouiller dans une mémoire qui t'parle et citer Albert Einstein. La dame lui demande de lui expliquer la théorie de la relativité. Madame, si je vous demande de m'expliquer la recette de cuisine pour faire un pâté chinois, et que vous me disiez qu'il faut du blé d'Inde, et que je ne sache absolument pas ce que c'est que le blé d'Inde, est-ce que je vais être capable de comprendre votre recette? La femme, elle répond non. Et Albert Einstein dit, bien, c'est la même chose pour la théorie de la relativité. Ne me demandez pas de vous l'expliquer. On va parler des autres expressions, des autres dimensions, des autres forces qui permettent une cohésion. Et on fait juste parler du temps. Le temps planétaire, le temps matériel évolue dans la dégradation, il avance. Le temps mental évolue à l'inverse, lui. Plus nous évoluons, plus mentalement les choses deviennent coordonnées et ordonnées, alors que la matière, elle pourrit, elle se défait. C'est deux temps totalement inverses. Et il y a énormément de choses. Alors, on ne peut pas en parler présentement, là. Il faut au moins s'adresser à des gens qui sont très férus déjà des 4 forces. Le phénomène de la résonance par la musique éveille en nous des choses. Quoi et pourquoi? La musique, c'est une onde de forme, c'est de l'esthétique, c'est de la nourriture. Lorsque vous en avez besoin, lorsque votre corps vital en a besoin, il se nourrit d'une onde de forme musicale. Lorsqu'il n'en a pas besoin, il ne s'en nourrit pas. Par contre, il faut faire attention, encore une fois, c'est comme n'importe quelle forme d'alimentation, l'ego peut s'en nourrir. Alors, on a des formes musicales qui ne nourrissent pas le corps physique, mais qui nourrissent l'ego. Exactement, vous écoutez une émission de télévision qui vous stimule. Un autre soir, vous écoutez la même émission, vous êtes fatigué, vous devriez aller vous coucher, mais vous restez là pareil. Et il y a un plaisir égoïque, mais quand c'est fini, vous êtes claqué. Là, c'est l'ego qui se nourrissait. Alors, quel que soit le phénomène musical, si on regarde le heavy metal, le metal hurlant, c'est après les phénomènes extrêmement évolutifs comme le rock'n'roll, qui avait le rôle de faire cela, de transformer l'homme en roche. On a eu le disco, qui rendait stérile d'ailleurs ceux qui le pratiquaient. Oui, il s'habillait tellement serré, puis dans ses mains, il n'y a tellement pas de circulation que ça ne rentre pas. C'est médicalement prouvé, de toute façon. Il y a trois portes là-dedans. Et maintenant, on s'en va vers le métal hurlant qui est absolument génialement satanique. C'est génial, c'est au bout. Mais la musique, d'autres formes de musique classique, musique... La musique classique, elle est spiritualisante. La musique heavy metal est absolument...